Ouais. Petit garçon. Petit garçon, on vient d'un grand dans un monde où les valeurs se confondent. Génération mécon, on est tous dans le même pétrin. Sur cette terre pour subir ce destin, tu sais ce que tu dois faire pour être bien. Elle a fait 20 ans, jeune gonzesse et pleine de style, mec. Problème, c'est qu'elle se tient trop avec le racaille, mec. Et futur prometteur, studieux écrivait 2-3 rap à 16 heures. Son erreur a un nom, ici c'est pas important. Et jeune adolescente à la recherche d'indépendance envers ses parents. Et moi je m'en fous, je pars en appartement, leur a-t-elle dit. Alors le premier du mois qui suivit, mademoiselle Flex vient loin, DJ sans même penser qu'il faut payer un loyer, l'électricité, penser à manger, casquer pour s'habiller. Dur dur d'être une tasse paix, sans backup, socialement handicapé, crois-moi je suis escapé. Alors dis-moi où est la porte de sortie, où sont-ils passés, tous ces amis qui prévoyaient faire le non-stop party. Et get a job, money. Alors c'est 7$ de l'heure, caissière dans le dépanneur du coin. La sueur pour ton foin, caresse le rêve de vivre bien. Et les jours passent trop vite, et les factures arrivent trop vite. Et tu te rappelles de tes après-midi assises à ton pupitre. La vie est une belle pute, et quand elle veut ça, tu la merde, jeune fille. Tu te faufiles telle languille, la guine qui te court après, tout ça, t'es frais. Tu sais, ça fuck un budget. Le pire, c'est qu'elle charge les intérêts pour de vrai. Ou cop avec Patrick, pas la meilleure des décisions. Le besoin d'affection, le besoin de compréhension, et surtout direction. Un petit garçon pour les mauvaises raisons, pas pour te faire la morale, mais la morale de l'histoire s'écrale pas plus tard. Quand trop lourd sera le fardeau, la société sur ton dos, et pense pas qu'ils te feront cadeau. Parce que tu meurs un ado, petit garçon ne viendra grand dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde. Petit garçon ne viendra grand dans un monde où les valeurs se confondent. Génération migrante, on est tous dans le même pétrin. Sur cette terre et pour subir ce destin, tu sais ce que tu dois faire pour être bien. Tu sais, petit garçon ne viendra grand dans un monde où les valeurs se confondent. Génération migrante, on est tous dans le même pétrin. Sur cette terre pour subir ce destin, tu sais ce que tu dois faire pour être bien. Tu sais, petit garçon, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Arrête tes conneries. Non. Pas soin de ton business. C'est ce que je veux dire, Strat. Ouais. C'est fucked up comme ça. Ouais, c'est fucked up comme ça. Petit garçon deviendra grand. Dans une société fucked up. Tu vois. Avant de mettre un enfant sur cette terre, il faut réaliser qu'un enfant, c'est le fruit de l'amour de deux parents. C'est pas juste. Je m'en vais dans mon coin, je te fais un enfant et puis voilà quoi. Tu vois, il faut s'en occuper, faut avoir les moyens de s'occuper un enfant. Faut être, tu vois, en condition, en position. That's my word of wisdom, you know. Yeah. Petit garçon devient un grand.